sur le degré de publicité des cours partagés dans les quartiers du village olympique et de Vigny-Lucerne. Et puis on a essayé de travailler sur les dynamiques du présent et les sonorités de l'avenir. Donc en fait, on a divisé notre proposition en trois parties. La première partie, c'est vraiment le quartier olympique. Donc on travaille plutôt sur l'idée du quartier au niveau sonore, très dynamique. Ensuite, on a eu la deuxième partie, qui était le quartier de Vigny-Musset, beaucoup plus calme. Et finalement, on est venu avec notre hypothèse d'intervention, qui serait de redynamiser un petit peu le quartier de Vigny-Musset, parce que ce contraste a été très fort durant notre exploration. Tu peux peut-être expliquer comment ? Et du coup, notre démarche a été de... On ne va pas grand-chose, mais on va voir ça dedans, peut-être. Ça a été d'enregistrer donc, 4 points spécifiques dans le quartier olympique qu'on retrouve dans le quartier de Vigny-Musset. Donc l'entrée du quartier, ensuite une cour intérieure, une rue extérieure et devant le hall d'une tour. Et donc avec ces quatre points spécifiques, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de diversité d'un point de vue sonore dans le quartier olympique, tandis que dans le quartier de Vigny-Musset, le son était très homogène en fait. Je pense que c'était les deux premières parties que vous avez entendues. Et la proposition en fait, d'intervention urbaine, on peut dire, c'était de dynamiter les grilles, enfin quand il y a une cour à Vigny-Musset, d'enlever les grilles, d'enlever cette fermeture. Et c'est comme ça qu'on a utilisé le logiciel Esquisson. En rajoutant en fait des sons, que ce soit vous entendez, donc ça on a trouvé sur internet ou ailleurs, des sons de jeux d'enfants, une balançoire, et de les remettre en fait au cœur de la cour où il y a du passage aussi des bruits de pas, donc un espace qui deviendrait partagé, mais qui serait commun et public. Et donc ça c'est la troisième partie où en fait c'est la même chose. C'est les mêmes lieux que la deuxième partie de Vigny-Musset, mais avec plus de son. Et pour montrer un peu le nouveau dynamisme du quartier de Vigny-Musset et l'influence que peut avoir du coup le fait que tout d'un coup ces cours intérieurs deviennent publics d'un point de vue sonore dans tout le quartier. Si vous avez des remarques ou des questions, vous pouvez vous dire. En fait, on entendait beaucoup le bruit, le transport, en fait, l'ambiance de cette voiture qui est venue, qui passait. Ça, on était dans le coup, après. En fait, on commence par l'entrée du quartier, c'est-à-dire une grosse route et le bruit du quartier. Après, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on a fait 4 points identiques, Village Olympique et Vigny-Musset, et on a fait Alfred de Musset, la frontière entre les deux quartiers. Et on a fini par, le bord de Vigny-Musset qui donne sur une grande essayer de trouver une articulation entre les deux quartiers qui soit moins contrastée. Jean-Paul ? Non, je souriais parce que lors de la création du quartier, dans la concertation avec les habitants et sur la présentation du plan de masse, les grilles, vous n'avez pas vu qu'il y avait des grilles. Ils pensaient qu'effectivement, il y aurait une circulation sur l'ensemble des espaces. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été qui est spécifique à Vigny-Musset. Et donc, on a essayé de prendre en compte, mais voilà, c'était un point de discussion effectivement entre les concepteurs du quartier et les associations d'habitants qui avaient contribué. C'est bien parce qu'effectivement, sur le plan masse, on a bien tous les liens qui ont été réfléchis à partir des grandes axes des Jeux Olympiques pour pouvoir traverser comme ça le quartier olympique, le quartier de Vigny-Musset, pardon. Et finalement, tout ça, ça a été coupé juste par le fait que ça soit des coins. En fait, les ouvertures, elles étaient plutôt visuelles Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que de créer des perspectives, mais pas du tout d'ambulation, parce que le souci était à question de gestion de l'espace public. C'est des espaces qui sont privatifs, donc qui sont privés, gérés par des assemblées de propriétaires, etc., une association. Et donc, ce n'est pas un espace public géré par du personnel municipal, etc. Donc, c'est un gros enjeu pour la municipalité. Mais par rapport à ce que disait Ngamé, ça revient à la question de l'ouverture, ce que je trouve intéressant là, dans ce que vous proposez, c'est que en fait, ce bruit de circulation qui est un peu omniprésent, autant dans la première écoute que dans la deuxième, le fait de réintroduire des émergences plus proches, même si le bruit de circulation est toujours là, puisque vous avez baptisé le même fond, il me semble, en fait, on se focalise moins dessus, il y a un masque qui se crée, et le bruit de circulation, quand on a une écoute attentive comme ça, c'est-à-dire voilà, on écoute un peu le paysage que vous nous proposez, et bien en fait, dans la dernière écoute, ce paysage-là, il se transforme complètement alors que le bruit de circulation est toujours là. Parce qu'en fait, ce fond, ce drone urbain, vous l'avez gardé, en fait. Simplement qu'en venant rajouter de l'activité et des émergences, et ben on perd un peu cette... je ne sais pas si c'est une gêne, mais en tout cas, ce drone-là, il disparaît un peu au profit des émergences. Ça, c'est une proposition qui marche assez bien sur le personnel. Et puis, en fait, il y a aussi cette question de transition, le fait qu'on aille dans la rue, puis on rentre. Parce qu'en fait, quand on rentre, on rentre par la porte principale de l'immeuble. Donc, vraiment, il y a un effet de coupure, mais cette sortie des cours et puis les rues, c'est intéressant. Ça change vraiment l'écoute. On est à la fois emboîté et puis après, c'est ouvert. Et puis, on est encore enclavé dans ces boîtes-là et puis ça réouvre. Mais dans la réalité, on est vraiment. Enfin, c'est les rues et puis on est exposé à le bruit de circulation où il y a des gens qui passent. Et puis après, en gros, il y a une coupure assez étanche. Et puis, si on veut, on peut s'exposer à l'ambiance des cours. Donc, cette sortie, rentrée, dans dehors, cette fluidité, c'était quand même assez c'est intéressant.